La petite histoire que voici nous parle du oula oula. C'est un volatile qui n'a pas eu beaucoup de chance dans la vie. Le oula oula est petit, tout petit, tout petit comme ça. Et chaque fois qu'il veut se poser, il y a quelque chose qui ne va pas. Et chaque fois qu'il veut se poser, il y a quelque chose qui ne va pas. Il fait son nid en Bolivie, au Chili ou au Panama. Mais il est tellement, tellement petit que même la science le connaît pas. Pourtant, il a un cri à lui, une sorte de gazouille extra. Mais chaque fois qu'il veut se poser, il y a quelque chose qui ne va pas. Et chaque fois qu'il veut se poser, il y a quelque chose qui ne va pas. Il a des pattes toutes rikiki, un mini bec tout raplapla, et des toutes petites ailes aussi. C'est à cause d'elles qu'il vole si bas. Dans sa petite tête, il se dit c'est dur d'être un oula oula. Car chaque fois que je vais me poser, il y a quelque chose qui ne va pas. Et chaque fois que je vais me poser, il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous voulez savoir pourquoi le oula oula est comme si, si vous voulez savoir aussi pourquoi le oula crie comme ça, c'est qu'il a un énorme zizi et des coucougnettes grosses comme ça. Alors chaque fois qu'il veut se poser, il crie très fort oula oula. Et chaque fois qu'il veut se poser, il crie très fort oula oula. Et chaque fois qu'il veut se poser, il crie très fort oula oula. Et chaque fois qu'il veut se poser, il crie très fort oula oula. Ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravarei, ravar